porte-clés, y a les porte-clés. Il me reste plus personne, j'ai que mes blancs et mon shit. J'peux dire beaucoup de monde mériterait des hits. J'fais style, y'a tout qui va, j'souris mais je souffre. J'espère que mon moral va remonter en voyant les chiffres. Ça critique, ça m'chauffe, j'entends que ça chez neuf. Vaillant traître alors qu'à la base y'a pas ça chez nous. Et j'ai la gisine, j'fais tourner l'audi. J'passe vers le quartier, j'trouve une mélodie. Sache que j'entends tout ce que l'on dit. J'sais où t'es maintenant et où tu vas être lundi. Non, j'dors pas la nuit. J'ai plein de trucs dans la tête, j'ai qu'un frère et peu d'amis. Ils veulent tous de la mettre, de toute façon je garde la mine. Et ils gardent trop la pêche, au studio c'est la Chine. J'bosse dans la navette, ou bien tout j'me taille. J'me taille ailleurs, j'suis tranquille. J'me taille ailleurs, j'suis tranquille. J'me taille ailleurs, j'suis tranquille. J'me taille ailleurs, j'suis tranquille. J'me taille ailleurs, j'suis tranquille. J'me taille ailleurs, j'suis tranquille. J'me taille ailleurs. Rien que ça veut des hommes, le potentiel veut une team. L'RG font des zooms, sa paire qui se décifle. J'ai de la team, fais le signe, rouge de la leçon. Pistelle les seins, ils bougent en même temps que le son. Le zin, j'suis dans les nuages. Ton ennemi peut dormir dans les feuillages. J'cache le shit, y'a la douane là au péage. Poursuite, j'en ai sauté des grillages. J'ai fait dispute avec maman, j'ai évacué, j'ai dit je t'aime le lendemain. Même si c'est pas facile en ce moment, faut qu'on soit soudés comme les cinq toits de la main. Vous m'avez mis l'œil, vous voyez plus tout, vous voyez son portefeuille. Autant vous dire que je suis bien seul sans votre cirque. C'est pas de ma faute, vous me souhaitez le pire, moi je trinque à la vôtre. Et je vais faire la fête, je vais pas me prendre non, la tête. Non, j'dors pas la nuit, j'ai plein de trucs dans la tête. J'ai qu'un frère et peu d'amis, ils veulent tous de la mettre. De toute façon je garde la mine, et ils gardent trop la pêche. Au studio c'est la Chine, j'bosse dans la navette. Ou bien tout j'me taille. J'me taille ailleurs, j'suis tranquille. J'me taille ailleurs, j'suis tranquille. Fortune.